I am Pain. Pain. Pain. It's Pain. Alive! Tel que je l'ai annoncé la semaine dernière, ce soir au Undead Incorporated Show, réanimation, il n'y a pas de spéciaux proprement dit. Si ce n'est que présentement, l'éponge de zombies catégorie putréfaction 6 mois et plus, ainsi que les saucisses de boyaux à saveur d'exécrable, sont en rabais pour un temps limité. Le temps que ces items redeviennent poussière, bien sûr. Mais j'ai pour vous, comme à l'habitude, le pire métal possible est diffusable sur les ondes. Donc, en bout de ligne, quoi de pire? Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui, en sideline, a ouvert un comptoir de boucherie. Parce que, devinez où il s'approvisionne. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, 'cause Pendragon said so. Hopeth, go.

Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 6 mai 2014. La première de mai, dois-je dire. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne jusqu'à 21h avec cette belle programmation de musique bien de chez nous, un folklore tout à fait approprié. C'est totalement fou. Rien de tout cela, ce n'est que du métal, bien entendu. Et ce soir, j'aurai des chroniques qui devront être de, selon ce que je me rappelle, de ce que je voulais vous parler au niveau autant musical que cinéma, parce que mon outil de mensonge de prédilection, c'est-à-dire Internet, ne fonctionne pas ce soir. Et la raison en est simple, c'est que c'est un peu le chaos dans la morgue ce soir. J'ai perdu le contrôle sur certains morts-vivants et il y en a un qui a décidé qu'il allait directement dans mon PC, parce que oui, malgré le fait que j'ai 666 ans, j'ai été apte à apprendre le fonctionnement informatique et il a décidé qu'il mangeait les composantes. C'est un peu ridicule, j'en conviens, surtout que généralement, il préfère des choses un peu plus sanguignolantes, mais il faut dire que dans une autre vie, il était ingénieur, donc je vais lui pardonner. Donc, comme je le disais, j'aurai des chroniques quand même ce soir, mais elles seront peut-être plus, elles seront moins précises, pour le moins. En premier bloc d'ouverture, nous avons entendu juste à l'instant, avant cette pause publicitaire, la très bonne pièce d'ouverture du très bon album, deuxième parution de cette formation, Triptychon. L'album étant Melana Casmata, qui est paru il y a quelques semaines, appel, c'est ça, à peine, sur Century Media. La pièce étant Tree of Suffocating Souls. Je trouve que cette pièce est vraiment excellente. Nous avions Rotting Christ auparavant et une autre non moins excellente pièce, Grandis Spiritus Diabolos, que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, grec soit Kata Ton Daimona Heitoi, qui est paru en 2013 sur Season of Mist. Et selon moi, cette pièce, Grandis Spiritus Diabolos, est probablement la plus marquante de cet album. De par son ambiance, bien entendu, et de sa grandeur, surtout, Mastodon, juste auparavant, avec Capillarian Crest, que l'on retrouve sur Blonde Mountain, album qui est paru en 2006 sur Warner, une formation qui, évidemment, donne dans un métal à tendance progressive. J'ai eu le plaisir de voir Mastodon à deux reprises. Et on ne peut pas dire que ce soit des bêtes de scène. C'est très droit, par contre. C'est très, très droit comme spectacle. Les pièces sont pratiquement aussi intègres qu'en studio. Mais visuellement parlant, on a le bassiste qui se donne un petit peu, là, mais c'est pas mal tout. On a ouvert ce bloc avec une autre excellente formation, soit Hopeth, et la pièce Bleak, que l'on retrouve sur leur magistral Blackwater Park, qui est paru en 2001, sur l'étiquette Music for Nations. Et là aussi, j'ai eu l'occasion de voir Hopeth à quelques reprises. Je crois que c'est 3 reprises. Et à chaque fois, c'est tout à fait délectable de voir la bande de Mike Ackerfeld donner un spectacle qui, non, ce n'est pas ici non plus un spectacle de bête de scène, mais il y a un grand charisme qui se dégage de cette formation-là. Et Ackerfeld est un entertainer hors pair. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent. J'en discutais avec le Rockmaster, justement, vendredi dernier, à Classic. C'est le Jerry Seinfeld du métal. Donc, il y a beaucoup de bonnes blagues qui sont très, très bien placées et souvent très subtiles. Donc, ça fait une ambiance qui est fort agréable pour Hopeth. J'ai donc l'air sérieux, moi, ce soir. Ça va faire, les niaiseries, là. Hein? On va redevenir ce qu'on est nous autres mêmes, c'est-à-dire stupides et imbéciles. Et je le fais très bien. Ce soir, l'émission est un petit peu hétéroclite dans le sens où elle est hétéroclite. C'est cela. Non, je n'ai pas fait nécessairement de blocs qui sont typiquement consacrés à un style en particulier. J'ai essayé de rendre les choses un peu plus homogènes, histoire de briser ma triste monotonie de docteur et d'animateur. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas de spécial cette semaine. Mis à part ce que j'ai dit en ouverture d'émission, qu'il y avait les longes de zombies qui étaient en spécial, mais je vous les conseille très peu. La semaine prochaine, par contre, j'aurai deux albums à vous présenter, deux albums qui seront fort intéressants. Il s'agit d'une nouvelle, la nouvelle production, le nouvel opus de la formation britannique Valenfire. Valenfire qui donne dans un style death metal à forte tendance, fortement influencé pour le moins par le doom metal. formation qui en est à son deuxième album Splinters. Et j'aurai une formation canadienne qui vient de Winnipeg, si je ne m'abuse, qui porte le nom de Psychotic Gardening. L'album étant Hymnosis. J'ai reçu cet album par John Asher Distribution vendredi dernier. J'en ai pris connaissance ce week-end et Psychotic Gardening sont fort intéressants, je dois dire. J'ai été agréablement surpris par leur style musical qui est un amalgame entre le death metal. Le chanteur est très guttural dans ce qu'il fait et il a une voix qui est constamment, je dirais, death metal, oui, mais pas et très agressive. Une voix plutôt, je dirais, d'outre-tombe, si on veut. C'est supporté par un musical qui a tendance à être très death metal, mais on y embarque des amalgames de doom, on y embarque des amalgames de groove aussi. Ça fait quelque chose de très intéressant. Il sort lundi prochain d'ailleurs, donc je le présenterai mardi. Je l'ai eu en advance, si vous voulez, en bon français. Je lui ai donné une cote de 8 sur 10. Il le mérite amplement. J'ai d'ailleurs pris la peine de souligner au pourvoyeur de cet album que c'était vraiment une belle acquisition. Donc, ça serait intéressant d'écouter ces deux formations-là la semaine prochaine parce que elles valent le détour. J'aurai une chronique cinéma et musicale, comme je l'ai dit, un peu plus tard dans l'émission, qui porteront sur principalement au cinéma au niveau de deux films que j'ai visionnés le week-end dernier et musicalement deux ou trois trucs que j'ai écoutés et que j'ai vraiment peine à me rappeler, honnêtement, mais j'ai pas très très apprécié. Donc peut-être que si j'ai tant de misère que ça à me rappeler de quoi il en est, c'est que ça m'a peut-être pas vraiment marqué. En tout cas, bref, on regardera ça un peu plus tard. On va continuer musicalement cette fois-ci avec des formations qui donnent dans différents styles, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va entendre entre autres du Meshuggah, qui est un métal, je dirais, quasiment expérimental par moment et très martelant. On va entendre Fear Factory, qui est un cyber metal. On va entendre Shopping Young Lad. Mais tout de suite, on va commencer avec une formation suisse qui porte le nom de Samael et la pièce Liquid Soul Dimension. Go! Oh!

Il est 20h12 minutes et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, votre radio campus, ici même à Trois-Rivières. On vient d'entendre les formations suivantes. À l'instant, Meshuggah, excellente pièce, New Millennium Sanctified Christ, que l'on retrouve sur mon album préféré encore à ce jour, soit Chaos Fear, qui est paru en 1998, sous l'étiquette Nuclear Blast. Fear Factory, et la pièce Zero Signal, tirée de The Manufacture. Un album, je dirais, emblématique de cette formation, paru en 95 sur Roadrunner. N'oublions pas que Fear Factory, si maintenant, il donne dans un genre plus cybernétique. Le premier album était tout à fait dévastateur en tant que death metal. Je crois qu'il est paru en 1992, si je ne m'abuse, ou 91, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment beaucoup plus, violent, oui. Mais surtout grossier, si on veut, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. J'aime bien quand même ce qu'il faisait à l'époque. C'est comme je l'ai dit, c'est très différent. Aujourd'hui, par contre, je trouve que c'est plus recherché, plus raffiné. C'est bien en spectacle Fear Factory, soit dit en passant. Et le guitariste, je dois dire, l'énorme Dino Cazares, est surprenant parce que malgré sa corpulence qui est, ma foi, et ne peut pas être passé sous silence, il bouge beaucoup, il a beaucoup d'interactions avec les gens, et je dois dire que c'est un bon guitariste, et il est beaucoup plus showman que bien des gens qui pourraient faire trois fois moins son poids, et qui pourraient bouger beaucoup plus, mais qu'ils ne font pas. Strapping on Lad, la très bonne pièce Aftermath, que l'on retrouve sur Strapping on Lad, effectivement, qui porte l'abréviation de S-Y-L, S-Y-L pour Strapping on Lad, bien entendu. On retrouve aussi sur la compilation Chaos Years 2003, Century Media et Hate Heist, et la bizarroïde Hair, que l'on retrouve sur, non pas H-A-I-R, mais bien A-I-R, Air, que l'on trouve sur Elements, paru en 93 sur Music for Nation, et on a ouvert le tout avec la formation suisse Samael et les pièces Liquid Soul Dimension, que l'on retrouve sur un de leurs bons albums, Passage, qui est paru en 96, album qui ne mettait pas encore tout à fait la transition avec ce qu'ils allaient faire par la suite. Parce que maintenant, ça mêle dans un métal qui est beaucoup plus électro, si on veut. Ils ont des bonnes choses qui se font. J'ai décroché un petit peu de cette formation-là, par contre. Mais je trouve qu'ils ont eu certains mouvements innovateurs ou pour le moins original dans ce qu'ils ont fait. Mais je ne les suis plus beaucoup, je dois l'avouer. Je vais vous entretenir relativement brièvement de cinéma parce que je n'ai... en fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas vu seulement deux trucs. J'ai finalisé la quatrième saison d'une série que j'aime beaucoup. Mais je vais vous parler d'un film pour lequel j'avais certaines attentes parce qu'il y a un côté très historique à l'histoire et ça se passe en temps de guerre. Je suis un amateur, je l'ai dit de nombreuses fois, je suis un amateur historiquement parlant de la Deuxième Guerre mondiale. Et je le redis pour ne pas que mes propos soient pris de façon péjorative, non pas que j'approuve ce qui s'est passé, mais je trouve qu'historiquement parlant, c'est très captivant. Le film étant The Monuments Men, qui met en vedette entre autres Matt Damon. C'est un film qui se passe vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale et c'est basé sur des faits réels. Il faut savoir que le Reich a dérobé, volé, pour ainsi dire, proprement dit, de nombreuses pièces de collection, des œuvres d'art qui sont autant au niveau de l'art, de la peinture, de la sculpture, et ainsi de suite, à plusieurs musées de l'Europe pendant les sièges, pendant les occupations, pour les rapatrier vers ce qui devait devenir la cité d'Hitler et le musée de Hitler. D'ailleurs, on voit une maquette assez explicite de ce que le Führer avait en tête de cette, j'oubliais là un nom, cette cité, là, je l'oublie malheureusement, mais c'était quelque chose qui était quand même très à l'avant-garde, faut le dire. C'était le but de recréer son propre musée avec ses propres œuvres d'art, dérobées, bien entendu, volées, parce qu'il faut savoir qu'Adolf Hitler était, selon lui, un artiste, et il a toujours été refusé aux écoles d'art parce qu'on lui trouvait pas assez de talent. Donc, probablement, c'est une façon pour lui de se revenger de ses refus. Donc, on parle d'œuvres d'art de peintres et de sculpteurs de renom. On parle de Picasso, entre autres. On parle de Rembrandt, pour ne nommer que celui-ci. Donc, des pièces de collection. Et une compagnie a été mise sur pied avec différents membres des armées des alliés, soit l'armée britannique, il y avait des Français aussi dedans, des Américains, pour être capable de retracer ces pièces-là et de les restituer à leurs propriétaires respectifs, parce qu'il y avait des gens qui étaient, il y avait des collections qui étaient privées là-dedans, mais il y avait aussi des collections qui appartenaient à des musées déjà existants en France, entre autres, dans les pays européens. Donc, c'est leur mission. Une mission qui est non pas périlleuse, bien entendu, malgré le fait qu'à l'époque, le mot passait que la guerre était terminée, ou pratiquement que, les Allemands avaient fui, que maintenant, les Russes s'occupaient de pouvoir finaliser ce qui avait été tenté d'être la percée en URSS, en Russie, et de les repousser jusqu'à Berlin, chose qui s'est faite d'ailleurs. Mais il reste qu'il y avait quand même un danger qui était tout à fait présent, parce qu'il y avait encore la jeunesse hitlérienne qui tenait mort aux dents. Il y avait encore beaucoup de factions du Reich qui se battaient jusqu'à la mort. Donc, c'était encore une immense trappe de piège, comme ils les appelaient au Vietnam, piège à con. Donc, ça créait encore beaucoup de morts. Donc, cette mission était très peu sécuritaire. Et d'ailleurs, ils ont perdu quelques compagnons au cours de cette mission, mais ils ont réussi à trouver, finalement, parce que c'était pratiquement une quête là, du Graal, avec certaines, je dirais pas énigmes, mais certains indices qui ont été mis sous les yeux en fouillant, à retrouver une bonne partie de ces œuvres d'art-là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été détruits, parce que l'ordre officiel de Adolf Hitler, qui était dans sa lettre de fin de guerre, il disait « Si je ne suis plus, qu'on brûle tout ». Et il y a une partie énormément qui a été brûlée sous les ordres d'Hitler, bien entendu, donc totalement irréparable, totalement irrécupérable surtout. Donc, c'est un film qui traite de cette portion d'histoire. C'est bien comme film, c'est très bien fait. Ça nous apprend, on aime l'histoire bien entendu, ça nous apprend certains côtés historiques de cette phase sombre de l'humanité. Mais il reste que c'est relativement platonique comme film. On peut pas s'attendre, malgré que ça se passe dans un créneau de guerre. Il y a pas énormément d'affrontements, ou très peu. Mais par contre, c'est intéressant de voir quelles auraient été les difficultés rencontrées par ces gens pour être capables de trouver ces clés qui les menaient à ces cachettes. Et soit dit en passant, ils ont trouvé énormément d'or à un moment donné en pensant trouver les œuvres d'art. Il y avait des tonnes et des tonnes d'or qui avaient été, encore une fois, dérobés, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une histoire relativement scabreuse que cette histoire de Monument Man. C'est bien, c'est correct, c'est bien interprété, mais ce n'est pas un film qui lève énormément, donc c'est divertissant, mais sans plus. L'autre film que j'ai vu, c'est juste un film d'horreur, parce que je m'efforce, je dois le dire, de trouver des films qui pourraient être intéressants au niveau de l'horreur, chose de plus en plus rare, je dois dire, parce que bon, c'est très redondant, et je vous dirais que, généralement parlant, je pense que les scénaristes, les producteurs ne se forcent pas énormément. Donc, c'est la facilité, puis ce qui va marcher avec les jeunes, avec les ados, ou avec ceux qui pensent qu'ils voient des films d'horreur, c'est des films où ce que ça crie tout le temps, puis il y a des slashers. C'est pas ça, un film d'horreur. Ça, c'est des films de couteau, j'appelle ça. Puis ça, c'est vraiment poche, généralement. Donc, je me suis forcé de voir un film qui, généralement, quand on traite d'un petit côté occulte, d'un petit côté paranormal, ça peut avoir un aspect intéressant, et c'est peut-être ceux-là, présentement, qui ont le plus de chances d'avoir un certain succès. Le film étant House of Good and Evil. C'est un film qui est d'une platitude, mais platitude absolument exécrable. Je lui ai donné un parce que la pochette est belle. C'est tout. Quand on est rendu à côté une pochette d'un film, là, ou un poster, là, ça va vraiment pas bien, là. C'est un film qui dure, je pense que c'est 100, attendez un petit peu, je pense que c'est 101 minutes ou quelque chose comme ça. Et pendant les 7 dernières minutes du film, on comprend ce qui se passe parce que ça nous mène là, vraiment là, en dérision totale là, sur notre navigation. Là, on sait pas du tout où on en est rendu. On dévie de notre voie, on nous fait dévier, on nous ramène pas dans le sillon. Bref, c'est vraiment le chaos. Là, quoi, je devrais aimer ça parce que j'aime bien le chaos, mais pas au cinéma. Et pour nous faire comprendre que finalement, tout s'est passé dans la tête de la jeune femme, et puis c'est complètement ridicule. C'est vraiment d'une platitude à éviter absolument. Et je vous dirais souvent que je vous dis que des films sont vraiment plates, mais je suis conscient d'une chose, c'est que c'est subjectif, c'est selon mon goût. Mais celui-là, je suis certain de mon coup, là, c'est vraiment nul à chier. Et pour bien finir, par contre, parce que je dois dire que j'en ai parlé un petit peu brièvement, il s'agit de la 4e saison de The Walking Dead, qui, ma foi, est la meilleure des quatre, celle où on retrouve le plus de tension, celle où on retrouve le plus d'action aussi, mille pardons, celle où on retrouve aussi le plus de dissension entre les divers survivants, celle où on retrouve le plus d'affrontements entre les non-morts, bien sûr, et il y a une multitude de zombies, cette fois-ci dans cette saison-là, il y en a, et ils sont encore plus laids et zombiesque que j'aimais. Donc, j'ai donné facilement un 8 sur 10. Et pourquoi pas plus? Parce qu'il y a encore des personnages dans cette foutue série-là qui me sont désagréables. Mais pas au niveau du personnage du comédien. Le comédien, je suis certain qu'il est vraiment très déplaisant dans la vraie vie. Il y en a deux ou trois comme ça. Donc ça m'agace un petit peu. Mais pour le reste, l'ensemble de l'œuvre, pour ainsi dire, The Walking Dead saison 4, c'est vraiment très, très bon. La semaine prochaine, j'aurais aimé vous dire quelles étaient en fait les autres choses que je vous conseillais, mais malheureusement, à mon âge, j'ai certains blancs de mémoire. Comme j'ai dit tout à l'heure d'emblée en ouverture d'émission, je n'ai pas mon outil de mensonge préféré qui est Internet. Donc, je vais devoir vous recombler ça la semaine prochaine. Mais je le ferai de façon plus exhaustive, si ça peut me faire pardonner. Mais quoi qu'il en soit, semaine prochaine, je vais vous parler de la 3e saison de American Horror Story qui porte le titre de Coven. Et d'après ce que j'en sais jusqu'à présent, c'est très bon. Je vous en parlerai plus en détail. Je vais plus l'approfondir. Mais ça traite vraiment du... c'est très très rattaché au folklore des sorcières de Salem. Et ces deux premières saisons de American Horror Story sont tout simplement délectables. Musicalement aussi, on se reprendra la semaine prochaine parce que mes informations sont tellement peu précises que je ne voudrais pas vous induire en erreur, quoique ça pourrait être drôle, mais peut-être pas nécessairement pour les bandes que je vais chroniquer. Donc, je vais être plus objectif et plus précis la semaine prochaine. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un autre bloc d'amalgame dans lequel, oui, vous allez entendre du merveilleux death metal, bien entendu. On va entendre aussi du death à tendance progressive, un des bands qui l'aura probablement le plus popularisé, il s'agit de Death, mais aussi d'autres trucs comme du trash. Tout de suite, allons avec Death, Flesh and the Power, It Hold. Go!

was my quest to solve the riddle of steel and to destroy those who have killed my people. Listen to me now. Il n'est point besoin de présenter celui qui vient de vous fracasser les oreilles. Il s'agit évidemment de Glenn Benton et des Side et la pièce Between the Flesh and the Void qu'on retrouve sur le dernier album de cette formation américaine, When the Minds of Evil, qui est paru en 2013 sur Century Media. Mais quelle belle pochette. Je dois dire pour une fois que des Side ont vraiment mis le paquet pour la pochette. Là, c'est quelque chose qui se fait très horror movie. J'aime beaucoup. Bloodbath auparavant et Process of Dissimulation que l'on retrouve sur The Fathomless Mastery paru en 2008. Je me demande s'ils vont sortir quelque chose. Évidemment, probablement qu'Ackerford n'a plus le temps de travailler avec Bloodbath, mais ça n'a pas été le seul chanteur de cette formation. Donc, allez, sortez-nous quelque chose d'autre. C'est paru, comme je l'ai dit, en 2008 sur Peaceville, Austrian Death Machine. La pièce Chrome, c'est tiré de l'album Triple Brutal. C'est One Man Band qui en a son quatrième album, qui est paru il y a peu de temps sur Artery Recordings. Voilà. Oblivion, notre formation qui donnait dans ses dernières parutions dans le cyber metal, formation pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de respect. La pièce étant Techno Carnivore Motormouth, pièce d'ouverture de cet album, dernière parution de cette formation en 99, soit Carnivore Motormouth, qui est apparu sur Hypnotic, et nous avions ouvert avec Death et la pièce Flesh and the Power It Holds, tirée du très bon album. En fait, je dois dire, probablement une des pièces qui est maîtresse dans la discographie de Death, soit The Sound of Perseverance, qui est paru en 98 sur Nuclear Blast. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai respectivement deux albums, soit celui des Britanniques Valenfire et l'album Splinters, et des Canadiens Psychotic Gardening, la pièce Hypnosis. Donc, ces deux albums qui vont sûrement vous intéresser énormément, parce que moi, ils l'ont fait, je possède la connaissance universelle, n'est-ce pas? En toute humilité, bien entendu. Non, mais je pense que c'est des albums qui sont vraiment d'intérêt. On va se laisser sur une dernière pièce, une pièce grandiose de formation américaine Nile, tirée du très bon album et encore une fois ici, je crois, emblématique Ethyphalic, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Il s'agit de What Can Be Safely Written, pièce d'ouverture de cet album. Album conceptuel, bien entendu, comme tous ceux de Nile. Et sur ce, eh bien, je serai là la semaine prochaine. Ah oui, je vous incite à aller voir le site de réanimation, réanimationad.com. Je vous incite à aller voir le blog de Hurlemort, hurlemort.com de mon ami Sinistros, et le site de Rock Classic, rockclassic.net. Et je vous invite d'ailleurs à vous joindre à nous, c'est-à-dire le Rockmaster et moi, ce vendredi, pour une autre édition Rock Classic. Entre autres, il y aura les albums qui sont classiques, et dont je participe rarement, je dois dire, à cette chronique, mais je le ferai cette semaine avec Status Quo, l'album Quo qui est paru il y aura, ben en fait, il y a 40 ans, et les albums obscur du Rockmaster, mais toute une programmation aussi très électrique au niveau du rock qu'on vous présentera tout au long de l'après-midi. Donc, Rock Classic débute à 11h et c'est jusqu'à 17h. Donc, d'ici à ce qu'on se... Ben, pas qu'on se voit ni qu'on s'entende, que vous m'entendiez, bien, c'est la semaine prochaine, pour le moins pour l'animation. Je vous dis, évidemment, allez tous vous faire foutre. Quoi de mieux? Nile, go!